En Corée du Sud, le comité de promotion de la lutte générale des jeunes 2016, réunissant 13 formations des jeunes étudiants, y compris la solidarité de la jeunesse, a tenu le vent courant une conférence de presse sur la place de Gwanghwamun à Séoul pour déclarer s'engager dans la lutte contre le régime de Park Geun-hye, d'après le journal internet sud-coréen Jeju Sibo. On y a donné lecture du texte titré « Mettant un terme au pouvoir de Park Geun-hye par la force unie des jeunes étudiants ». D'autre part, le journal internet Tongil News annonce que la direction du mouvement de Taizone pour la démocratie, constituée de 74 organisations civiles, sociales et religieuses et des succursales de partis politiques de la région de Taizone, y compris la direction de Taizone du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, a organisé un meeting le même jour pour accuser l'actuel régime de s'intéresser seulement au maintien de son pouvoir et à la protection de son entourage, sans égard à l'opinion publique, à la vie et à la sécurité du peuple.